L'accordéon parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches entre 9h et 10h. Une émission que propose Michel et ses amis accordéonistes. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Émission réservée aux mordus du dépliant. Et puis, accordéon parade, eh bien, c'est rediffusé le mardi, à partir de 10h. Amis de l'accordéon, amis du piano bretelle, bonjour. C'est parti, tout le monde. Allez Mario. Ah, le passe là, on est là, c'est parti. De grands yeux sont la taille fleur. Qu'elle était belle, la Maria, Alain, son amant, mais qu'elle. Oh, ça commence bien. Tandis que les gens l'emportent, un fou chante quelque part. La Danielle de Verdun, voilà. Que le bon Dieu me pardonne, car jamais personne. Thank you. Allez, on y retourne. Ah, la classe, hein. Samedi soir, c'est la fiesta. On se retrouve tous chez Lolita. Les filles attendent le Roméo pour danser le tango. La soirée commence sur un bon passo. Samedi soir, c'est la fiesta. Oh mes amis, quelle corrida. Quelques minutes suffisent pour que les couples s'enlisent. La sangria coule à flot, il y en a un. Go go oh. Attention, une dernière fois. Ah, ça danse bien à Revigny, hein. Et Ghislaine, hop là. Dans cette folie à espagnole, on danse le passodoble jusqu'au lever du soleil, quelle merveille. On tire le frein à main. Olé, olé! Et merci à Maurice Larchange d'avoir ouvert le bal avec Florent Gori, qui nous a fait une série de passe-au-dobles. Et le dimanche, sur Sorgia FM, eh ben, accordéon parade, c'est la guinguette! Thank you. Merci à ce sympathique accordoniste qui nous vient du Portugal, c'est Victorino Matono qui vient nous interpréter un air de son pays. Et le 14 juillet, qu'est-ce qu'on chante? Eh bien, le 14 juillet, on chante la Marseillaise. Et c'est Monsieur Jean Privat. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Composé par un accordéoniste jurassien Gilbert Schwab, on vient d'écouter Roche d'or. George Roche d'or, c'est Jean-François Six de Suisse qui vient de nous interpréter ce merveilleux morceau. Et toujours à l'écoute des 91, des 91 MHz de Storgy FM, et on continue avec une merveilleuse valse, Auvergne jolie. Les plus hautes montagnes d'Auvergne, le joli pays de mes amours, à l'ombre des châtaigniers et des vergnes, je voudrais vivre toujours, toujours. Quand son troupeau regagne la vallée, pleine de soleil couchant, le pâtre joue sur sa flûte enchantée, des airs qu'il a composés dans les champs. Sur les plus hautes montagnes d'Auvergne, le joli pays de mes amours, à l'ombre des châtaigniers et des vergnes, je voudrais vivre toujours, toujours. Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Thank you. Vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Et bien sûr, le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Et passez la monnaie! Cette émission Accordéon Parade, c'est pour les mordus du dépliant. Et c'est 100% de musette sur la bande FM. On va continuer Accordéon Parade avec une sympathique accordéoniste qui nous vient d'Italie, c'est Barbara Lucchi, voilà, je l'ai bien dit, qui va nous interpréter un merveilleux morceau. Merci à Barbara Lucchi, qui est une sympathique accordéoniste qui nous vient d'Italie. Et maintenant, un petit tango. Je pense que vous avez tous reconnu le doigté de Monsieur Jules Lancien qui vient de nous interpréter l'Aïtou Tango. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, bah, écoutez, le Joyeux Léon. Oh, pardon. Il y a un musicien qui vient de sauter de l'estrade et qui va nous dire quelque chose. Le musicien du Joyeux Léon, bien sûr. Monsieur Léon, vous savez jouer à Charleston? Ok. We'll be right back. Merci, merci à André Astier qui vient de nous jouer un morceau de sa composition, accordéon capricieux. Et on continue avec Stéphane. Stéphane Courtois-Renoux qui nous vient du Doubs et qui nous interprète un Paso Doble. Thank you. Olé, olé, Madonna. Et c'était Louis Ferrari, son accordéon, son orchestre. Allez, maintenant, on va écouter un sympathique jeune homme qui nous vient du centre de la France. C'est Dominique Moissan, qui nous interprète un grand succès de Mademoiselle Yvette Turner, Train d'enfer. Et c'est au son de trois accordéons. Myriam, Frédéric et Charlotte Buche qui nous interprètent la marche des accordéonistes de montagne. Accordéon parade se termine. C'était une émission que vous a proposée, que vous a présentée Michel ce dimanche. Le rendez-vous, c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Et ça, c'est sur votre sympathique radio Sorge FM, émission qui est rediffusée le mardi à partir, eh bien oui, à partir de 10h. Toujours à l'écoute des 91 MHz de Sorge FM. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et de bonnes vacances.

Et cette fille qui pleurait avait le mal du pays. Se tourne mon pays. quelques doigts de chaume suffisaient à mon cœur. Sur un lointain rivage, je souffrais, je l'envie. Rendez-moi mon village, rendez-moi mon pays. Sur un lointain rivage, rendez-moi mon pays. C'était Jean Christina. Et maintenant, eh bien maintenant, on va souhaiter un bon anniversaire à Jean. À Jean qui se trouve sur les hauteurs de Bellegarde, du côté, je crois, du côté de la côte des Châtaigniers à Coupy par là. C'était son anniversaire cette semaine. Quel jour, je peux pas vous le dire, mais je lui fais un petit coucou parce que je vais le voir samedi. Alors Jean, si tu m'écoutes, je te souhaite un bon anniversaire et puis une bonne santé à toi tout seul et puis bon anniversaire, passe une bonne journée. Allez, pour toi tout seul, eh bien, on va aller faire un petit tour au Tyrol, en Innsbruck, à Innsbruck, puisque tu connais le Tyrol. La valse d'Innsbruck, Jérôme Robert, et c'est pour l'anniversaire à Jean, à Coupy, en Haute-Coupy. Thank you.

Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Et bon anniversaire encore une fois à Alain. Et bien maintenant, on va écouter Claude Vanoni qui lui prévoit la sécheresse. Et oui, il paraît qu'il va avoir la sécheresse cette année. Alors Claude Vanoni, la sécheresse. L'autre jour, j'arrive à la fontaine pour mettre à dessaler des harangues. On aime encore bien nous autres les harangues. J'arrive à la fontaine, qu'est-ce que je vois? Rien. Non, le découlant découlait plus. Une si bonne fontaine qui a toujours coulé gros comme tant que plus, quoi. Mais j'y ouvre la propre. Plus d'eau. Mon, c'est parce qu'on boit, nous autres, comme eau. Vous savez, le Vosgien a une santé de fer. S'il boit de l'eau, il rouille. On boit pas trop d'eau, mais les bêtes. Hein? Faut quand même faire quelque chose, les bêtes. Bora, bora, je sors de haut. Qu'est-ce que je vois? Rien. Le lac à sec. Plus d'eau dans le lac. Mon, ben que je me dis, ça y est, c'est la sécheresse. Mon, la sécheresse que c'était, t'aurais vu. Les poissons plantaient la tête dans la vase et prenaient des coups de soleil sur les arrières. Les poules pondaient des œufs cuits durs. Jusqu'où que ça a été, les vaches donnaient du lait en poudre. Il faut faire quelque chose, on peut pas rester sans eau, il faut faire quelque chose. Ben oui, ben, mais quoi? Eh ben, un puits. Eh ben oui, un puits. Ça coule de source. Mais où qu'on va le faire, le puits? Bon, en bas le pré, là-bas au fond, ça puise toujours un peu. Bon, ben je dis, ben, allez, dis, allons-y. Allez, je dis au gamin, tu prendras les outils, moi je prendrai les commandes. Le pauvre gosse. Nous voilà partis en bas le pré avec une pelle, une pioche, une houe, trois outils, un de chaque main. On arrive en bas le pré, on commence à creuser, on creuse 8 jours, rien. 15 jours, rien. 3 semaines, rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il était temps qu'on s'arrête et on entendait causer chinois. Ah, le feu central au milieu de la terre? Penses-tu, on n'avait pas été tout droit, on avait été un peu de travers. Comment qu'on aurait fait pour sortir nos brouettes de terre? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça, ça fait du bruit dans la vallée. Les usines de la vallée étaient en arrêt. Tout en arrêt, hein, ils en ont causé dans les journaux, ils en ont causé dans le poste, tout ça, elles étaient en arrêt, les tissages, les filatures, les scieries, les fromageries, tout en arrêt, ouais. Il y en a qui ont dit que c'était à cause... Des autres qui racontaient... Allez y croire. Je vais vous dire, moi, pourquoi qu'elles étaient en arrêt, les usines de la vallée. Un matin, à bonne heure, en plein hiver, 5 heures, 5 heures et demie, je lève. Je m'ai chauffé mon café. Je sors dehors. Qu'est-ce que je vois? Rien. Parce qu'en hiver, à 5h30, il fait encore pas jour. Je rentre dedans. Je bois mon café. Je vais au... Ah, sitôt mon café, je peux pas attendre. Ah, ça, il y en a que c'est avant, il y en a que c'est pendant, il y en a que c'est pas du tout. Mais les histoires-là, vaut mieux pas y mettre son nez. Je ressors dehors, qu'est-ce que je vois? Plus de 595 canards, les pattes prises dans la glace. Les pauvres bêtes s'étaient posées le soir sur le lac. Pour passer la nuit sur l'eau. Seulement, il fait si froid chez nous. La glace a pris d'un coup. Coin, coin, coin, coin, coin. Oui, ben coincés qu'ils étaient. Bon, ben que je me dis, je peux pas laisser les pauvres bêtes là comme ça. Une idée me vient, mon vieux. Je rentre à la grange. Je vais chercher ma faux. Je redescends sur la glace. Et bzing, et bzang, et bzong. J'ai fauché les canards, mon vieux. Ça volait, mon vieux. Hé, on les fanait, les canards. On en a mangé pendant 3 mois, du canard. Mais quand les beaux jours sont revenus, quand la glace a fondu, les pattes de canard qui étaient restées dans la glace, eh ben ça a dévalé les ruisseaux et ça a bouché les turbines des usines. Voilà pourquoi qu'elles étaient en arrêt, les usines de la vallée. Voilà. Alors, to Brussels one fine day and saw her walking down the Place du Marché. So I went up to her and I said, hey, would you like to go to a nice cafe? But she said no and walked away. And I found out she was a local DJ. She played her hits until the break of day. She made her way on the Place du Marché. On a bed. Sometimes in English, sometimes French. She would announce the records one by one. I tried to talk, but there was so much noise that I had to shout and I lost my voice. So I went off to write a song that would say everything I had to tell. 'Cause at the disco in Brussels I fell for Annabelle, my Annabelle. Annabelle, la plus belle fille de Bruxelles. You are the most exciting girl for me. I love you so, ma belle amie. Annabelle, la plus belle fille de Bruxelles. I wanna ask you, will you dance with me? I love you so. Girl for me, I love you so, my baby. dance with me. I love you so, my belle amie. I wanna ask you, will you dance with me? I love you so, my belle amie. Merci au short de nous avoir présenté Annabelle, la plus belle fille de Bruxelles. Et maintenant, encore une autre dédicace pour l'anniversaire de Christine. De Christine à Champfromier, qui habite à l'entrée de Champfromier. Je pense qu'elle se reconnaîtra puisqu'elle écoute sur l'UFM. Alors Christine, pour vous toute seule, cette semaine, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être demain, je ne sais pas. Cette semaine, c'est votre anniversaire. Alors Christine, on vous souhaite un bon anniversaire, une bonne journée, plein de bonheur à vous. Et puis on va écouter Fleur du Tyrol, car je crois que vous êtes déjà allé au Tyrol. Alors pour Christine, toute seule, pour son anniversaire à Champfromier, on va écouter Fleur du Tyrol. Bon anniversaire Christine. Et encore une fois, bon anniversaire à vous Christine, et puis bonne journée, bon dimanche, et puis une bonne santé. tous eu la même chance, la même vinyle, les mêmes souffrances. Je suis pas là pour juger ta peine, mais je voudrais qu'on se comprenne, qu'on va derrière les apparences, derrière les sourires et les silences. Je voudrais que tu te souviennes, ma vie aurait pu être la tienne. Souvent j'ai eu peur de m'exprimer, jugé avant même d'avoir parlé. Mais si on savait se regarder, on saurait. Mon frère, je sais qu'on est tous les mêmes, avec nos rêves, avec nos problèmes. Et si tu regardes à l'intérieur, je sais qu'on partage les mêmes valeurs. Et mon amour est des simples gestes. Quand tu perds tout, c'est ce qu'il te reste. Toutes ces richesses qu'il nous viennent du cœur, je sais qu'on partage les mêmes valeurs. On n'a pas connu les mêmes ambiances, chacun ses rires, chacun son enfance. Il y a mille choses qui nous séparent, mais on caresse le même espoir. Devant la douleur, on se ressemble. On a tous eu le cœur qui tremble. Derrière tes peurs, regarde bien. Je pourrais être l'un des tiens. Souvent j'ai eu peur de m'exprimer, jugé avant même d'avoir parlé. Si on apprenait à s'écouter, on saurait. Mon frère, je sais qu'on est tous les mêmes, avec nos rêves, avec nos problèmes. Et si tu regardes à l'intérieur, je sais qu'on partage les mêmes valeurs. Et mon amour est des simples gestes. Quand tu perds tout, c'est ce qu'il te reste. Qu'est-ce qu'ils nous viennent du cœur? Je sais qu'on partage les mêmes valeurs. Et quelquefois je dois l'avouer, la différence est lourde à porter. À l'heure où les peines reviennent. Même si le monde n'est que beauté, par la colère on se laisse emporter. On oublie qu'on est tous les mêmes. Mon frère, je sais qu'on est Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et encore une dédicace ce dimanche, c'est Janine, pour la part de Janine. Attendez, c'est pour Janine, c'était son anniversaire cette semaine, et c'est Raymond qui lui dédie cette valse musette. Et bien sûr, Janine, tapez longtemps les cartons de belote. Il paraît que vous savez très bien jouer à la belote. Alors Janine, pour vous toute seule, mais ne dansez pas là, écoutez cette valse musette. C'est de la part de Janine, pour vous Raymond, avec un bon anniversaire. Thank you. Et oui, oui, c'est parti tous les dimanches. Tous les dimanches, à partir de 9h, Michel vous propose, vous présente Accordéon Parade. Le grand je son, la taille folle, que l'été belle, l'homme Maria, Alain, son amant, mémé qu'elle. Accordéon Parade, c'est une heure d'accordéon. Et plus, de 9h à 10h, de l'ambiance, de la détente, et bien sûr, de l'accordéon. Tous les dimanches, sur votre radio sympathique sur GFM. Émission pour les mordus du dépliant. C'est 100% musette sur la bande FM. Et n'oubliez pas que l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Ah, ça se mélange, hein. Également sur Internet, en podcast, vous pouvez écouter vos émissions préférées. Accordéon, variété, cuisine, tout et tout. C'est sur Sorgia FM, en podcast. Donc, le rendez-vous est pris avec Michel, l'accordéon et la variété tous les dimanches à partir de 9h. Et on continue avec Accordéon Parade maintenant. Nous allons réveiller le square avec Monsieur Jules Lantien. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Eh bien, je vais vous quitter, auditrice, auditeur de Sorgia FM. Merci de votre fidélité aux 91 MHz de votre radio sympathique. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et si vous êtes en vacances, eh bien, de bonnes vacances. Et bye bye, à bientôt. Merci.